crois pas ce que voient tes yeux ou ce qu'ils croient voir. Tu ne me connais pas. Chaque jour m'apporte les rêves d'amour. Et pourtant, je suis quelqu'un d'autre en moi en dedans. Et je dois cacher mon cœur. De mystère recouvre ma vie, mais viendra un jour où mon âme criera qui je suis. Alors pour toujours, je goûterai au vrai.